La dimension cosmique du mental et la dimension cosmique du moi ne font qu'un. Seul le concept diffère. Lorsque l'on songe à soi, il s'agit de soi-même, alors que lorsque l'on songe au mental, il y a là une participation consciente du moi supérieur. Le moi supérieur est le réservoir universel de la pensée humaine qui émane d'un niveau prépersonnel et descend graduellement la gamme vibratoire de la pensée jusqu'à ce qu'il y ait identification avec l'ego, en tant que forme personnalisée d'énergie de la pensée. Le mental égoïque distingue difficilement les divers niveaux vibratoires qui créent l'illusion d'une pensée autogénérée. Une perte de contact s'ensuit avec une conscience qui permettrait, dans le cas contraire, d'accroître la centricité ainsi qu'un nouvel alignement du mental supérieur et de l'activité mémorielle inférieure. Le mental n'est pas un terminal d'énergie de la pensée, mais bien sa source. La conscience de soi devient sa fonction terminale, sa réalité et son pouvoir se voyant diminuer alors qu'elle transmet la réalité vers la psyché humaine, sous l'apparence de pensées égocentriques incessantes et d'idées contradictoires. La différence devient évidente, alors que se constitue le siège d'une conscience centrique. Les pensées créatives deviennent hautement résonantes et vibrantes tandis qu'elles pénètrent, de leur pure puissance, le tissu égoïque et s'imprègnent dans la conscience avec force. Les pensées mécaniques n'ont que peu de rapport avec la fonction vitale de l'ego conscient, qui a la capacité de se désengager du cours linéaire de l'expérience, en vue de générer un mouvement auto-révélateur nouveau ou créatif, qui accroît sa liberté interne vers une mobilité et un développement accru. Le moi cosmique peut être identifié à l'issue du processus de désengagement de l'égoïfication de la pensée. Par ce processus créatif, l'ego commence à comprendre les rouages internes du mental et sa pertinence dans tout le processus de génération de la pensée. La pensée est utilisée par le moi cosmique, afin d'incorporer ses lois créatives dans la dimension humaine de l'expérience, en vue de l'élever et de la perfectionner au cours de l'évolution. Le point mort dans la conscience humaine provient de l'association de la pensée au moi. De ce fait, l'ego colore, par le biais de son principe inférieur, une énergie qui serait révélée parfaitement, dans le cas contraire, la nature occulte de la conscience. Le mental n'appartient pas à l'homme en soi. Il est créé instantanément par le mouvement de la pensée, généré sur des niveaux de réalité qui transcendent le plan physique. Le mental a le moi cosmique méconnu et fonctionne à une échelle vibratoire inférieure à ce qui serait nécessaire si l'homme était conscient de ce qui distingue la génération de la pensée de la réflexion de la pensée. La nature générationnelle de la pensée a pour fonction d'informer, par le biais d'un canal mental supérieur, alors que la pensée réfléchie n'est qu'un processus circulaire qui engage l'ego dans une activité mentale subjective par l'électrification du cerveau physique. Le cerveau ne représente que la dimension physique, ou la nature électromagnétique de la pensée. En réalité, la pensée se meut dans des éthers qui sont libres et très distants de la manifestation du phénomène de la pensée en soi. La pensée est énergie. Sa signification n'est que le reflet coloré de son énergie au sein du système mémoriel, développé au cours de l'incarnation physique. Il est important de comprendre que la nature de la pensée n'a que peu de rapport avec la nature ultime de la conscience. Le mental, dans sa fonction cosmique, sert à relier l'énergie de la pensée, dans son état primordial, à un ego expérientiel en développement, afin d'accroître la conscience du sujet par le processus évolutif. L'univers du mental est une expérience multidimensionnelle, vécue simultanément par l'âme incarnée et par son esprit, ou double évoluant au-delà de l'astral, ou du plan de la mort. Afin que les mécanismes de la conscience puissent être compris, l'ego sera contraint, par la confrontation évolutive du moi et de son principe ajusteur de pensée, à se rapporter à la pensée telle qu'à un simple mécanisme qui met constamment sa nature émotionnelle à l'épreuve, en vue de le libérer du manque immanent d'identité, au niveau physique de l'expérience de l'être. Le mental est non seulement un quantum d'énergie intelligente que l'on nomme pensée, mais il est aussi une force évolutive prépersonnelle qui incarne le processus de fusion cosmique en devenir, mais inéluctable, la fusion avec des intelligences libres, de tout temps, de l'expérience incarnationnelle. Pour cette raison fondamentale, l'apprenti de l'occulte doit apprendre à différencier les entités astrales ayant accès au cerveau par la manipulation de la pensée, par rapport au double, à l'esprit, ou à l'ajusteur de pensée, qui représente la tentative cosmique d'unification avec l'homme. La notion du moi cosmique, à titre de principe échappant à toute définition, soulève des questions philosophiques et métaphysiques de nature spéculative simplement parce que l'égocentricité de l'homme n'a pas été transmutée par le contact direct avec des sources d'énergie mentale non astrales. Ceci se produira inévitablement au gré de la maturation de la conscience humaine, vers une structure mentale plus sophistiquée. L'avenir du développement mental humain sera accéléré selon le taux d'implosion de l'égocentricité, alors que l'énergie mentale délogera l'ancienne mémoire de la race et se rapprochera de l'avènement de la communication humaine interne. Il existe une relation entre les techniques de communication physique plus sophistiquées et les forces pénétrantes du mental, qui repoussent les frontières de la conscience à l'écart de l'inconscience du passé de l'humanité. Les avancées théoriques en science, facilitées par la technologie nouvelle de l'ordinateur, forceront le mental humain à accepter des modèles dimensionnels qui, le temps venu, pointeront davantage dans la direction de forces évolutionnaires agissant au-delà des modèles physiques ou métaphysiques hautement développés. L'engagement vers le développement de nouveaux modèles évolutifs de l'univers forcera l'ego à abandonner ses visions étroites de la réalité et à s'ouvrir graduellement à des dimensions de connaissances qui le mèneront au-delà de ce qui est sur le maintien de status quo psychologique. À partir de ce point, la naïveté historique diminuera et la recherche d'une réelle liberté mentale s'accentuera, alors que l'homme sera davantage disposé à concevoir une réalité qui lui est plus accessible et plus révélatrice que ses attitudes égocentriques l'ont porté à croire. La structure égoïque s'écroulera alors et une nouvelle conscience définira les paramètres du moi cosmique qui ont toujours été considérés indéfinissables pour des motifs de crainte spirituelle et d'impuissance philosophique. La réalité cosmique du moi réside dans la dimension psychique et non psychologique du mental. La nature humaine est celle de la dualité, l'une étant tant psychologique qu'égocentrique et focalisant sur elle-même, l'autre étant de communication objective, moins active et psychique. Depuis ce plan mental supérieur, il existe une relation avec une dimension prépersonnelle du mental, ou avec ce qui a été subjectivement qualifié de moi cosmique. Le moi, tel qu'il est perçu égoïquement, ne représente que les dynamiques psychologiques inférieures de la conscience humaine. Il est alimenté de pensées créatives depuis les plans supérieurs, mais se trouve trop enseveli sous des couches de matière de pensée inconsciente pour pouvoir se rapporter objectivement à sa source et, par ce fait, ne peut soutenir la génération de pensées créatives pour une longue période de temps. Une telle prise de conscience, ou intelligence consciente capte un niveau plus affiné d'étreté, où les paramètres linéaires et rationnels de l'intellect, responsables de l'expérience karmique inconsciente de l'âme, sont inévitablement complémentés par de l'information. Le mental inconscient masque le moi cosmique. Son éveil, ou son intelligence sont insuffisants à l'extrapolation d'une matière psychique à partir d'une matière psychologique subjective. Si l'homme était suffisamment conscient pour ce faire, il se trouverait face à la double réalité de sa nature plutôt que d'en être prisonnier. Le mental ne peut être exploré qu'à travers la dimension psychique qui s'étend à l'infini, au-delà de toute forme de pensée subjective. L'un des grands mystères du mental humain réside dans son lien inconscient avec les plans astraux inférieurs et les plans mentaux supérieurs. Ceci dit, les sphères d'activité intelligente qui s'étendent au-delà de la dimension physique et par lesquelles le mental humain a toujours été influencé. Au cours de son évolution psychique, au-delà de sa dimension psychologique et de ses limites rationnelles, l'humanité entrera en contact avec d'autres mondes dont l'évolution contribuera à la détermination du développement politique et scientifique futur de l'humanité. Le mental est une énergie qui désigne son propre potentiel au cours de son évolution. Il ne peut être déployé psychologiquement en sa dimension psychique. Sa mémoire contraignante le relie aux archives du passé. La mémoire est inutile à ce que le mental s'ouvre au présent cosmique qui comporte l'avenir évolutif. La nature spéculative de questions d'ordre philosophique, telles qu'avancées par le mental humain constitue, en termes historiques, une preuve de ses limites. Si le mental était libre, celui-ci aurait l'habileté d'engager un dialogue objectif directement avec les plans mentaux supérieurs et non astraux, et toute question concernant la réalité humaine et cosmique serait close de manière définitive. L'homme cesserait de percevoir la réalité d'un point de vue limité, rationnel et planétaire. Il aurait naturellement accès à l'inaccessible et par conséquent évoluerait selon des lois cosmiques plutôt que karmiques. Le mental est un mystère de la communication, étant essentiellement un champ d'intelligence prépersonnelle évoluant dans un univers multidimensionnel, plus ou moins au diapason de la psyché humaine. La conscience humaine ne vibre que partiellement à des niveaux différents de réalité. Au gré de son évolution, la conscience en vient à capter de plus en plus les plans psychiques qui constituent ultimement la dimension universelle, au-delà du continuum physique. La réalité s'étend à l'infini, au-delà du domaine de la vérité astrale et spiritualisée, ou de tout système de croyance que le mental humain puisse projeter pour la protection de son territoire égocentrique et psychologique. Lorsque le mental se projette, par le biais du corps astral ou éthérique en des dimensions de réalité qui lui sont autres, il est alors aisé d'observer que l'âme est un co-terminal entre la dimension physique et les dimensions plus éthérielles de la conscience. Par conséquent, elle entrave la libération du mental des chaînes astrales qui obstruent sa compréhension de la réalité, au-delà de l'état conscient du rêve ou de l'expérience astrale. Si l'homme était capable de traiter intelligemment avec la dimension astrale par l'usage de son corps éthérique, le voile astral serait dissous, et sa conscience connaîtrait l'ascension vers une perception intégrale des mondes parallèles qui constituent les architectures fondamentales dont la conscience humaine est issue. Le concept de Dieu, à titre d'exemple, est un concept astral alimenté par la mémoire d'âme, en vue d'entraver l'usage, chez l'homme, de son principe éthérique dans l'étude ou l'investigation de la réalité. Il est un fait méconnu que les dimensions astrales sont des mondes parallèles servant le développement des âmes aux dépens de l'évolution humaine. Sur la base de ce fait cosmique, la nature de la conscience humaine est absolument asservie à des forces astrales, que l'homme en soit conscient ou non. Le concept du mental subconscient provient de cet état de fait astral. Si l'homme était conscient, son mental subconscient n'interférerait pas avec la constitution psychique de son intelligence créative et universelle, et sa nature psychologique n'entraverait pas le plein développement de son identité. Il est impossible de comprendre la nature du mental sans considérer certains principes occultes et universels dans l'étude du moi. À titre d'exemple, les pensées ne tirent pas leur origine de la structure psychologique de la conscience égoïque. L'ego résulte de l'accumulation de pensées et d'énergie émotive dont s'imprègne le mental astral, ou inférieur, et par le processus de vieillissement, l'ego satisfait la dimension astrale de sa conscience aux dépens des dimensions mentales éthériques, ou supérieures de sa réalité. Pour cette raison, l'homme trouve difficile de se rapporter, en termes psychiques, à son moi intégral, d'où la cause de l'asservissement humain. Le mental trouve son origine dans les univers supérieurs de la pensée, et se réduit graduellement au niveau de la conscience humaine par l'expression du cerveau physique qui est soutenu énergétiquement par les forces éthériques de l'âme. Il est important de comprendre que l'âme, en soi, est le vecteur de tous les principes naissants d'énergie qui sous-tendent le potentiel passé, présent et futur de son évolution, selon les diverses étapes de son développement. Elle ne participe pas encore, en termes universels, à sa réalité énergétique globale. S'il en fût autrement, la conscience humaine serait très avancée et l'homme serait un être supérieur. Pour comprendre l'âme et ses limites, il nous faut comprendre les bornes psychologiques du mental. L'âme évolue en vertu de l'évolution du mental, et non pas inversement. Si l'homme devait attendre l'évolution de l'âme pour évoluer au niveau du mental, ce serait un très long processus car l'âme ne contient aucun principe actif d'intelligence créative, sinon au niveau éthérique de son organisation psychique. La nature astrale de l'âme enfreint le développement rapide vers une identité propre intégrée. Elle entrave la communication naturelle entre l'ego et son niveau mental supérieur. Le moi supérieur, ou double, constitue pour l'homme son principe fondamental de génération intelligente de la pensée, actif entre les mondes mentaux et les plans éthériques de l'activité de l'âme. L'âme est une entité psychique. Elle a une vie propre, indépendante de l'expérience humaine. À travers le processus incarnationnel, l'ego inconscient, composé des empreintes mentales et émotionnelles inférieures et créées par l'expérience de l'âme, est un facteur retardateur dans l'évolution du mental, tant qu'il demeure ignorant de la source et du mécanisme de la génération de la pensée. L'âme demeure, à ce jour, une réalité voilée. La majeure partie de ce qui a été dit à son sujet est nébuleux, archaïque et conforme à des interprétations religieuses pour le bénéfice du conditionnement conventionnel de la masse. La littérature mondiale ne recèle que peu de savoirs universels qui soient dérivés d'une communication directe avec les mondes mentaux. La connaissance limitée traitant de la nature universelle et occulte de l'âme est trop marginale pour la consommation de masse et n'est accessible qu'à un nombre restreint. Le moi cosmique et l'âme sont deux corps distincts. Le moi cosmique est la sommation de l'expérience évolutive qui se trouve sous la tutelle du moi supérieur ou double. Ce dernier supervise l'évolution de l'âme par la manifestation de pensées générées qui lui servent de lumière, guidant l'homme au cours de son expérience planétaire. Alors que le moi cosmique est le principe d'intelligence suprême de l'homme, l'âme correspond à sa réalité personnelle dans l'incarnation de cette expérience évolutive. Il doit être compris que l'ego, par l'usage de son cerveau physique, ne récupère qu'une fraction d'une énergie de la pensée hautement générée depuis les plans mentaux de la conscience. Cette réceptivité humaine limitée au niveau psychique est la cause du lent développement des dons psychiques de l'homme. La nature sous-jacente de la conscience ne sera pleinement comprise que lorsque le niveau d'éveil psychique de l'homme aura été élevé au-delà de la dimension mémorielle subjective de sa réalité planétaire. Chapitre 7. Et la naïveté humaine et l'esprit des masses. L'homme ne jouit d'aucune ou de peu de protection psychique sur sa propre planète. La conscience astrale engendre des illusions existentielles soutenues par des systèmes de croyances infantiles se trouvant à des lieux d'une compréhension intelligente de l'univers systémique multidimensionnel. Les faux-semblants subjectifs constituent un piège psychologique permanent qui limite son expérience mentale inférieure. Il se voit exposé aux vicissitudes de la vie, du fait que son intelligence se trouve influencée de manière subliminale par les forces astrales du monde de la mort. La mort demeure méconnue et s'éloise occulte cloisonnée dans le potentiel mental pur de sa conscience. Elle est connue en termes expérientiels comme un fait de la vie mais sa réalité occulte demeure un mystère spéculatif. Les pensées sont des formes dont l'énergie varie selon leur source et ainsi elles portent en elles la lumière ou l'obscurité dans l'expérience. Elles ont le pouvoir d'élever ou d'abaisser le niveau de conscience vers, ou à l'écart de son centre réel. Afin de s'affranchir, l'homme doit être amené à réaliser, à travers son évolution personnelle, que le plan astral est un monde parallèle habité, dont l'objectif ancien et actuel est de détourner la conscience humaine du but évolutif ultime de la vie, la fusion avec le monde de lumière du mental supérieur, qui s'étend à l'infini, au-delà du monde de la mort. Le processus de la pensée humaine est coloré par des entités astrales ayant recours à d'infimes moyens, à travers de subtiles distorsions de la réalité. Jusqu'à ce que nous apprenions à mettre un terme consciemment à leur ingérence psychique, les pensées inconscientes prendront encore un aspect personnel, plutôt que de paraître telle une interférence interdimensionnelle. Le contact astral avec la psyché perpétuera l'illusion absolue du libre arbitre personnel et détournera l'ego de la réalité de son essence multidimensionnelle. Le libre arbitre n'est qu'une forme expérientielle de liberté. Il ne s'agit guère d'une liberté réelle. Ce qui ne peut être atteint que lorsque le moi a pu constater que la conscience est un territoire psychique sur lequel de subtiles luttes mentales sont livrées, le mental inconscient se trouvant égaré dans la mêlée. Ceci explique les difficultés incessantes qui jalonnent le processus personnel évolutif, et le terrible coup des bonheurs éphémères à travers l'histoire. En tant qu'être évolutionnaire, l'homme, avec le temps, n'aura d'autre option que de renoncer à son libre arbitre illusoire et à son intelligence mécanique, et de commencer à jeter les bases de sa puissance, nécessaire à l'atteinte d'une réelle liberté. S'il était dans sa réalité, la vie serait autrement. La conscience serait une expression permanente et créative de son lien avec une source de pensée non astrale qu'il viendrait éventuellement à reconnaître comme son ajusteur de pensée ou son moi supérieur. La connaissance interne aurait libre cours. En raison de l'insidieuse influence astrale, l'orgueil intellectuel, ou la naïveté spirituelle ont atteint de telles proportions qu'elles obstruent systématiquement sa vision interne des multiples plans de réalité qui sous-tendent son étroité globale. Il ne lui est plus possible de concevoir l'organisation effective de son univers psychique, en tant que macrocosme cosmopolitique dont il est un sujet aveugle, plutôt qu'un partenaire créatif. L'homme évolue lentement et laborieusement en raison du recyclage sans fin de ses mémoires, polluées par des agents astraux qui manipulent son ingénuité. La civilisation moderne est le comble de la distraction et de la servilité globale humaine, résultant de formes d'influence subtiles exercées par des forces astrales qui induisent l'humanité à de difficiles expériences dépourvues d'intelligence. L'humanité ignore les outils appropriés et requis afin que soient repoussées ces forces qui étouffent la conscience. L'activité des forces astrales sur Terre aujourd'hui est d'une intensité telle que tout le tissu de la conscience planétaire est en voie d'être empoisonné par la domination astrale. Le style de vie américain recèle des qualités positives, du point de vue de la liberté politique, des droits de l'homme et de la reconnaissance du développement individuel. Mais ces excès estro culminant dans le crime et la violence et en une angoisse psychique et miséreuse manifeste, sont sur le point de se propager en un syndrome planétaire. Le reste du monde suivra, mécaniquement, jusqu'à ce que la connexion psychique ait secoué l'individu et l'ait ramené à ses plus hauts sens. D'un point de vue technique, le monde ne s'est jamais si bien porté. En termes psychiques, il n'y a jamais eu une telle pénétration subliminale par les influences astrales, telles qu'on le constate dans le stress et l'infamie de la vie moderne, le syndrome de la guerre et de la paix, la dictature empoisonnée des cartels de la drogue et les contradictions innombrables dans le fanatisme religieux qui attise le feu de la guerre ou invite l'individu à soutenir des entreprises alimentées de capitaux, qui tirent profit de l'innocence et de la culpabilité. Des millions d'individus sont en voie de perdre leur maigre identité à la fascination que suscite une population croissante et étincelante de héros artistiques et sportifs, dont la vénération accroît le vide existentiel et l'aliénation psychique. Les fortunes immenses et hors de toute proportion, en dépit des piètres arguments qui leur portent appui, sont une insulte aux penseurs des sciences libérales et physiques dont le rôle, qui consiste à soutenir et orienter la vie, est trop souvent déprécié, voire ignoré, ce qui met en cause la qualité mentale, exerçant, au sommet des instances dirigeantes. Toute la matière de la vie moderne est sujette à une manipulation astrale croissante qui s'affine par la décadence. Les influences astrales peuvent être constatées et mesurées par un mental ayant le pouvoir de s'instruire par lui-même en déviant de la désinformation destinée à la masse, tant manifeste que dissimulée, qui constitue l'essentiel des impressions conformes aux idées maintenues par le monde astral. En dépit du fait que les meilleures et les pires influences tentent de prendre possession de notre territoire psychique, la recherche identitaire se poursuit. Ce qui reste de l'intelligence objective créative et pitoyable, enveloppée dans l'imaginaire astral et nourrie d'une soif insatiable de la domination. L'innocence de la race humaine exclut toute prétention à l'intelligence dans un sens conscient du terme. L'intelligence individualisée et non astralisée est rare en effet. Inévitablement, les aberrations globales de tout genre prennent de l'ampleur, alors que la personnalité est dupée vers l'impuissance en raison de son manque de discernement envers le réel et l'imaginaire. L'homme sensible ne peut évoluer en suivant le phare de l'humanité, mais la collectivité peut évoluer à travers lui. Il ne suffit que d'un seul homme pour effectuer un changement réel, quelle qu'en soit l'ampleur. La conscience collective, en tant que force globale, est impuissante à effectuer un changement permanent et réel. Ce n'est qu'au terme du développement de l'identité propre, par la neutralisation de l'obstruction systématique des formes pensées créatives et non astralisées, que l'individu peut croître et devenir une réelle inspiration. Le mental doit être exploré au-delà de la psyché conditionnée par la société. En dépit du fait qu'il est relié à la mémoire de la race, il se relie à des dimensions qui s'étendent au-delà de l'ego purement imaginaire et intellectuel. L'identité et la réelle liberté mentale ne peuvent être atteintes que par ceux qui ont objectivement identifié la lutte astrale. L'humanité, en tant que race, est une accumulation historique de distorsions psychologiques et psychiques développées par la domination d'idéologies qui détournent l'individu de lui-même. L'humain plus évolué se dissociera, le temps venu, des idéologies globales et recouvrera son identité. Il prendra possession de son mental, librement, de son plein gré. La conscience ne peut être individualisée aussi longtemps qu'elle dépend de systèmes de croyances créés pour l'évolution de la conscience planétaire. Elle requiert une restructuration du moi égoïque et un alignement de l'esprit, de l'âme et de l'ego. L'humanité ne se réfère pas à la réalité individuelle, ressources créatives qui devraient servir le public plutôt que les alcôves ésotériques de sciences marginales. L'humanité a une raison d'être évolutionnaire globale par laquelle l'ego s'instruit des voies de l'âme, alors que l'esprit, en marge de l'histoire, guette le moment où la maturité permettra que soit faite la distinction entre les illusions astrales de l'âme et la réalité absolue de la force de l'esprit. Le mental collectif ne peut élever la conscience à un état pleinement intégré. Sa mémoire, dominée par la race, est constituée tel un labyrinthe psychologique dans lequel des formes illimitées de notions subjectives sont dispersées vers des millions d'égos insouciants et naïfs, au nom de la vérité. La mémoire de l'humanité est un continuum psychologique sans vie, par lequel elle fait valoir ses raisons d'être nombreuses et contradictoires. La conscience individualisée trouve ses racines dans une relation plus intégrée avec des plans mentaux non soumis aux émotions de l'esprit de masse. L'ego inconscient n'est que la jonction de l'énergie du mental et du plan astral, point où une division fondamentale a lieu en l'homme, il en perd le lien avec ses origines. Sa vraie nature doit être explorée selon une structure mentale qui se projette au-delà des référents psychologiques humains, afin que l'étude et le développement ne soient contrecarrés par des fantasmes émotifs qui entravent le contact avec sa source créative. L'humanité traverse l'histoire, engouffrée dans un processus inconscient de développement égoïque qui ne sert qu'au développement planétaire collectif de la civilisation. Alors que l'évolution tend à écarter l'homme du bassin de la conscience de masse, dans lequel elle a été plongée depuis des millénaires en servitude inconsciente, ceci en vue de le rapprocher de son propre centre, l'humanité modifiera sa relation avec la mémoire raciale et s'inspirera graduellement de notions plus individualisées qui auraient été rejetées pendant la période involutive de son développement primaire. L'esprit de masse de l'humanité perdra graduellement sa densité émotionnelle alors que l'individu découvrira que la mémoire de la race a servi les puissances astrales par le biais des religions et des idéologies politiques sans scrupules sur un plan global. L'esprit de masse se développera en une conscience plus subtile et fluide, capable d'équilibrer l'énergie émotionnelle et d'inviter la psyché planétaire vers des zones d'enquête jusqu'alors restreintes, dont l'absence, par le passé, perpétuelle ignorance humaine et les mystères de la vie, de la mort et de l'univers. L'esprit de masse équivaut à l'ignorance planétaire, quel que soit le degré de sophistication qu'il puisse atteindre à travers le développement élaboré et systématique de ses illusions historiques. La seule force créative qui puisse s'y opposer est celle d'une psyché individualisée et centrique pouvant s'élever davantage, au-delà de son attraction gravitationnelle. L'inconscience devrait servir de base au développement de l'éveil individualisé, en vue d'atteindre sa liberté réelle et potentielle. La conscience de masse correspond à la dimension astrale de la psyché humaine. Elle n'appartient pas à l'homme au sens propre mais à la mémoire d'un dieu moindre en lui. Elle correspond à une nature qui tend à diviser plutôt qu'à unifier. Il en est ainsi du fait que la pensée inconsciente certains desseins plus occultes, enracinés au-dessus et au-delà de l'illusion du libre arbitre, ses origines tenaces profondément enfouies dans le sanctuaire du monde de la mort. La race humaine produit un état d'esprit de masse qui puise dans les forces astrales planétaires. Ces forces mènent à la rupture de toute communication objective et non réfléchie entre l'homme et les circuits universels du mental, offrant aux influences astrales le plein contrôle de sa destinée. Alors que le contact conscient et interdimensionnel entre l'ego et le moi supérieur demeure inerte ou du moins inconfortable, à cette étape du développement évolutif humain, les forces de l'âme s'emploient à maintenir le lien karmique entre la vie et la mort. Cette condition permet à l'âme d'évoluer aux dépens du lien conscient entre le moi et les plans supérieurs du mental. Il sera reconnu, à travers le développement évolutif conscient du mental, que le monde de la mort ne peut objectivement instruire sur la nature des mystères, du fait qu'il est assujetti aux lois de l'illusion psychique qui détermine la base de son pouvoir sur l'homme. Aucune forme de contact avec les forces désincarnées de l'âme, qu'elles soient spirituelles ou éclairées en apparence, ne peut engendrer la liberté, en raison de la constitution psychostructurelle du monde de la mort. Nous entretenons un commerce plus étroit avec la mort que nous sommes disposés à reconnaître. Et afin de dissoudre cette alliance de la peur, le mental doit être affranchi de la densité de la conscience de masse, qui tisse une toile infinie de notions submentales par les liens émotifs reliant l'âme au monde astral. L'âme et la conscience de masse sont intimement liées. L'ego en voie d'évolution est confronté à l'ignorance historique de son époque jusqu'à ce qu'un lien se soit développé entre lui, l'âme et l'esprit. La formation de cet axe est le début de la liberté par rapport à des notions chargées d'émotions, entretenu et sanctionné par l'esprit de masse. Dès lors que l'ego se dissocie des opinions subjectives et incorpore de plus hautes formes de pensée, il se rapproche d'une zone mentale plus libre, caractéristique d'une évolution vers des plans mentaux supérieurs. Les attitudes égocentriques disparaissent graduellement, ouvrant la voie à une pensée qui s'intègre en un tout créatif. L'ego peut se libérer de la conscience de masse alors qu'il accroît son lien de pensée, ou sa relation mentale avec le moi créatif. L'humanité, en tant que race psychologique, survit par la perpétuation de ses illusions de masse. Ses membres ont perdu contact avec la réalité interne en épousant les contours d'une collectivité qui devient homogène par sa tentative d'assurer un lien collectif vigoureux qui isole l'individu de sa conscience psychique, ou interdimensionnelle. L'individualité se voit sacrifiée au culte d'une personnalité fictive. Au gré de l'évolution, L'ego se développe et se trouve de plus en plus déchiré entre les idées collectives et personnelles. Il ne reste éventuellement d'autre choix que de se dissocier de la mémoire raciale de l'esprit de masse, si l'ego doit avoir une pleine mesure de la portée de son propre esprit. L'esprit de masse rattache l'esprit à une ligne de pensée historique, alors que le mental pur créatif confronte l'ego au choix et à l'épreuve difficile de la pensée libre et créative. Les questions et réponses fondamentales portant sur l'évolution personnelle, selon un cadre multidimensionnel de réalité, ne peuvent être issues de l'opinion collective. Elles doivent être recherchées sur le plan mental objectif du mental conscient. L'aigle ne se pose pas dans la rue. Le mental supérieur déploie ses ailes bien au-dessus et bien au-delà de la conscience de masse. L'humanité entretient des idées égoïstes en vue d'assurer sa survie dans les confins d'un champ de connaissances psychologiquement compatible. Peu importe qu'un tel savoir s'avère réel ou faux, ce qui importe c'est qu'il soit crédible. Le pouvoir, qu'il soit laïque ou religieux, s'est toujours soucié de la permanence de son statut, très astral de sa nature mécanique et inconsciente. Il tente d'élargir sa base, autant que possible, en vue d'assurer l'approbation du mental de masse pour des raisons d'ordre purement politique. Toutefois, à l'aube de la phase individuelle de l'évolution égoïque, ces facettes de la mémoire de la race se voient de plus en plus rejetées, alors que le moi se tourne vers les dimensions psychiques et éthérielles du mental. L'initiation à l'identité individuelle débute lorsqu'une opposition grandissante à l'élan créatif se fait sentir, et que la réception accrue d'un savoir perturbateur, de par son objectivité, prend place au sein du mental évolué. Nous sommes alors témoins de l'éveil de la conscience, l'initiation solaire. Une variation illimitée d'illusions est cultivée par la race humaine au cours de générations sans fin. Depuis l'aube de son histoire et au cours de tout le cycle évolutif, les formules ont simplement changé et sont devenues plus sophistiquées, la conscience libérale s'étant élevée contre des abus de pouvoir flagrants commis contre la décence humaine. Mais encore aujourd'hui, tout reste à faire. Un long processus évolutif se profile où l'humanité, à titre de race psychique, s'individualisera lentement en conscience. La clé de ce formidable défi repose en l'homme lui-même. Le nouveau siècle donnera naissance à des concepts révolutionnaires qui poussent l'intelligence au-delà des barrières traditionnelles. Le XXe siècle a donné lieu à une révolution démocratique et scientifique. Le prochain siècle connaîtra une évolution sociale et psychologique à un rythme qui minera les pouvoirs laïcs et religieux exercés sur les habitudes de groupe. Un savoir nouveau et vital exigera une évaluation objective et personnelle plutôt que la croyance et l'adhésion. Le siècle idéologique sera enfoui dans les sables profonds de l'oubli et supplanté par un siècle de pensée créative pleinement adaptée aux besoins intérieurs et à la réalité d'un homme en évolution, une force évolutive qui fracassera les chaînons de l'involution. L'individualisation est inéluctable en termes évolutifs et temporels. De puissantes forces à l'œuvre dans le monde peuvent, en apparence, cultiver superficiellement l'esprit de masse, mais le besoin indispensable d'une identité personnelle et du droit inaliénable à la liberté de l'oppression et de l'asservissement aux idées orientées vers la masse prévaudra. Alors que la race humaine s'éloigne davantage de l'euphorie idéologique, elle ouvrira la voie à de plus hauts courants d'énergie de la pensée qui outrepasse l'esprit de masse historique et conditionné, pour libérer l'individu de la densité psychologique de la conscience collective. Des formes avancées de savoir communiqué et interdimensionnel mettent un terme à l'asservissement collectif et psychologique ainsi qu'à l'impuissance psychique du mental en quête de sa propre évolution créative, au-delà des répétitions rébarbatives du passé. L'esprit de masse conditionne le mode de la pensée, alors que la conscience individualisée libère l'intelligence humaine du pouvoir astral des opinions acculturées, vers un parcours ascendant de conscience. La force brute des idées supramentales objectives magnétise le mental plus attentif et supplante les idées chargées d'émotions, portant sur la nature métaphysique de la réalité et de ses mystères apparents, libérant, par ce fait, une énergie nouvelle au sein d'une race éprouvée en attente d'une ère nouvelle. Chapitre 8. Le double fantasme. Par l'éducation formelle ou informelle, nous avons été façonnés de sorte à isoler notre mental par notre manière de penser, de la pensée profonde ou d'un dialogue interne conscient. Nous sommes prédisposés à suivre les sentiers battus des idées reléguées à la mémoire, prenant la pensée pour acquis, comme si elle était un processus par lequel nous seuls étions concernés. Nous avons peine à réaliser que le mental est un réseau universel de communication interdimensionnelle entre divers plans, le mental, l'astral et le monde physique. Nous avons été dupés par ignorance de ce qui concerne le mental qui ne connaît aucune finalité, étant si avancé, de par son potentiel créatif que, pour le rationalisme égocentrique, il se situe au-delà de toute compréhension intellectuelle. Nous voulons le comprendre, or nous refusons de nous aventurer au-delà de points de référence égocentriques. Le mental subjectif nous limite au cadre de notre territoire psychique, servant de base à toute catégorie possible de pensée, en raison d'un manque d'intégration d'énergie astrale et mentale intimement reliée à la constitution psychique complexe de l'ego. Ces forces non intégrées deviennent les frontières de notre existence conditionnée par les sens. Sans cette limite, le mental serait libre d'explorer les aspects multidimensionnels de la réalité psychique globale, d'un point de vue personnel ainsi que prépersonnel, ou cosmique. Notre myopie résulte d'une perception subjective du mental, et d'une interprétation rationnelle de la pensée. Ce résultat final d'une énergie descendante, qui amorce son mouvement irradiant au sein de dimensions de lumière qui constituent le fondement de la réalité de l'être, est autrement illimité en sa capacité d'informer le moi. Nous abordons la pensée comme si elle nous appartenait et ce faisant, la structure complexe du mental et de son origine cosmique échappe à notre entendement. Ce point mort a prédéterminé les conditions qui ont provoqué une souffrance inutile, au cours de l'histoire, et qui ont rendu la conscience supramentale évolutionnaire impossible. Nous aimons croire que nous sommes des êtres autonomes, mais nous sommes absolument interdépendants, par extension en des temps inconnus, avec des intelligences autres dont la relation avec l'homme est tissée dans l'étoffe de sa réalité individuelle et indivisible. En tant qu'êtres humains, nous ne pouvons comprendre, par manque d'éveil, que notre réalité en soutient une autre, qui à son tour soutient la nôtre à un point si avancé que le mental inconscient s'effondrerait s'il entrevoyait, ne serait-ce qu'un instant, son réseau universel. Nous menons une double existence et en sommes totalement inconscients. Nous avons toujours considéré la mort comme un no man's land alors qu'elle est intimement reliée à notre existence quotidienne et à notre capacité décisionnelle. Inconscient de la présence immédiate d'entités plus ou moins évoluées dans le monde de la mort, ou de l'astral, agissant à titre de guide et de visiteur souvent inattendu, nous sommes incapables de communiquer, ou d'établir un dialogue avec le principe guidant notre conscience, notre ajusteur de pensée ou moi supérieur. Notre mental s'étend rarement au-delà d'un niveau inconscient astral, qui exerce une influence indue sur lui en tant que force prédominante dans le développement de la personnalité. Cette condition submentale est responsable de notre manque d'éveil conscient au moi supérieur. Nous ne sommes pas maîtres de notre esprit, gouvernés tels que nous sommes, par des pensées non créatives et égocentriques animées par des entités qui s'alimentent de nos forces vitales. Nous sommes tombés en esclavage pour des maîtres à penser et des idéologies dont les influences puissantes ont créé les faux centres magnétiques qui façonnent leurs impressions en nos personnalités fictives. Nous avons perdu la capacité universelle de nous instruire par nous-mêmes, car nous vivons sous une forme ou une autre d'influence. Il n'est guère surprenant que nous arrions si loin de nous-mêmes et que nous fassions l'expérience d'une part si infime du mental en son entier. Nous nous croyons intelligents en raison du statut de nos sciences, alors qu'elles représentent, en fait, une infusion directe de conscience astrale en la nôtre, par des forces, ou entités qui poursuivent leur dessein dans des mondes parallèles ne correspondant pas toujours à notre bien-être. Leur monde est celui de la mort. Celui-ci devrait être renommé « plan astral », ne serait-ce que pour détruire l'illusion de finalité que recèle son acception. Lorsque nous évoquons la mort en tant que terme à la vie, nous nous laissons manipuler par le monde astral. Nous tirons un voile sur notre conscience, ce qui nous empêche de traiter avec le phénomène de la mort de manière consciente. La psychologie actuelle, qui ne comprend pas la mort au-delà de ses apparences morbides, ou de son symbolisme mythique, est une science prométhéenne liée par les chaînons de sa propre inconscience. Son génie se voit affaibli par des évaluations intellectuelles qui anéantissent la science du mental, puisqu'elle est étudiée à partir d'un point de vue purement psychologique. Le mental est d'origine psychique et devient psychologique à son niveau subjectif. La psychologie classique ne traitera pas avec la mort directement à l'aide de l'outil extraordinaire qu'est le contact de la pensée, car elle n'a pas encore saisi la nature objective de sa réalité. Toute personne peut communiquer avec le monde de la mort. Toute personne étant munie d'un esprit ouvert peut discerner les mensonges qu'avance cette « au-delà », qui tend à maintenir les illusions du mental, issues de la pensée subjective. L'univers n'est guère aussi nettement défini et physique que nous aimerions qu'il le soit. Les forces astrales de l'involution et leurs tromperies accommodantes sont entières en leur domination de la vie psychique et, par conséquent, la vie psychologique de l'homme. Le mental est un territoire psychique qui s'étend au niveau supramental de la conscience. Il peut être exploré librement, moyennant des changements fondamentaux portés au moi, ayant pour effet de sécuriser une compréhension plus ample de ses mécanismes internes. Le mental survole impérieusement les conventions et la dualité. Il se propulse bien au-delà de telle polarité, se mouvant à travers le réseau de l'intelligence supramentale. L'inconscience est un fantasme, en ce que sa perception représente une partie infime de la réalité du mental. Le fantasme réside dans l'incapacité de discerner entre la dimension astrale subjective et la dimension mentale objective du mental, débilitant le moi dans son habileté à manœuvrer au-delà du champ de conscience subjectif. La personnalité devient son terminal, laissant la réelle identité dans l'inconnu. La conscience demeure une frontière inexplorée plutôt qu'un champ psychique ouvert par lequel nous pouvons nous mouvoir à volonté dans notre quête d'une compréhension globale de la vie, de la mort et de l'au-delà. L'univers du mental est apparenté aux structures psychiques de la vie intelligente. Notre compréhension de ce dernier est soit mystique ou matérialiste, créant des conditions qui contrarient l'entendement objectif nécessaire de ces dimensions occultes. Lorsque l'on s'y adresse en termes mystiques ou spirituels, il demeure insondable et sujet aux aléas d'un vide menant à une fois dépourvu d'intelligence, naïve et aveugle. En fait, le vide n'est que la totalité des dimensions psychiques méconnues du mental, inexplorable par un ego mystique ou matérialiste. Il n'y a rien de tel que le vide dans un sens absolu. L'univers est habité sur divers plans par des intelligences de statuts évolutifs variés. Toutes les dimensions évoluent absolument et en termes relatifs absolus. Dans le processus objectif créatif du mental, l'homme peut se mouvoir à travers le vide de sa conscience, suivant ses lignes de force psychique en vue d'en découvrir les mécanismes et principes. Comme tel, le vide cesse de signifier une vacuité, mais bien une liberté par rapport aux débris psychiques et psychologiques. Lorsque le fantasme du mental a été identifié, l'auto-instruction débute et l'ego cesse d'être le pion sur l'échiquier astral cosmique. La communication interne est la clé de la compréhension des mécanismes de la conscience, et ne peut être vécue sans que le mental se soit d'abord entièrement ouvert à un plan mental libre de toute coloration astrale. La communication interne est au mental ce que la pensée subjective est à l'ego inconscient, la différence étant apparentée à ce qui réside entre connaître et ne pas connaître. La connaissance subjective trouve ses racines dans le processus réfléchi de la pensée. Cette part de l'activité mentale a la pointe de l'iceberg de sa portée créative d'ensemble. Au-delà de l'étape réfléchie s'étend la vaste réalité des circuits universels, pouvant être captée par le mental dans son développement évolutif ascendant vers la sagacité objective du moi. L'univers psychique fait partie intégrante de la conscience. Ignorer ce fait contredit le fondement même de la réalité humaine, ce qui a pour effet d'amenuiser le talent naturel de l'homme à traiter avec la vie selon des termes qui correspondent à sa signification ultime. Nous ne sommes pas sur Terre pour simplement exister mais bien pour acquérir une science universelle de la réalité et pour l'appliquer. Voilà ce en quoi consiste l'évolution. La croissance doit s'étendre au-delà de l'intelligence conditionnée par les sens et mener à une compréhension intégrale des mécanismes du mental. Ce dernier est d'un ordre qui se déploie bien au-delà des simples roches intellectuelles de la conscience. En l'homme physique résident une conscience astrale et une conscience éthérique par lesquelles le monde psychique partage la réalité humaine. Et jusqu'à ce que la fonction interne de la communication de la pensée ait été pleinement comprise par un éveil en évolution, le contact avec les circuits universels du mental demeurera un mystère et l'expérience se poursuivra, selon ce qui convient à tout être astral destiné à un éventuel retour au monde de la mort. La notion selon laquelle l'univers est parfait, au-delà de son modèle physique n'est que rêverie. Dans tous ses aspects composités et multidimensionnels, il demeure un processus évolutif dans lequel des forces cosmiques assurent les conditions nécessaires au développement d'une relation unifiée entre le moi supérieur et inférieur, sur les plans inférieurs de la réalité humaine. L'homme prend part à l'évolution et à l'intégration de ses principes inférieurs, vers un contact potentiel de la pensée avec des intelligences interdimensionnelles. Le problème fondamental auquel l'ego se voit confronté, à l'égard d'un tel dessein de vie, réside dans la forte influence vécue au niveau astral. Ignorant cette condition existentielle, L'ego est en proie à des forces qui s'alimentent de sa mentalité plus dense. La difficulté est aggravée par le défaut d'intégration de la réalité physique, astrale et mentale. Dès lors que le moi a surpassé l'illusion corps-esprit, les forces astrales à l'œuvre à l'intérieur sont mises en évidence. C'est alors que la chaîne des illusions entravant l'union du physique, de l'astral et du mental supérieur peut être brisée afin de libérer le moi de la personnalité subjective rationnelle et émotionnelle et des influences astrales au sein d'un mental qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. La conscience pulse des courants d'énergie subliminale qui distrait l'ego d'un contact objectif de la pensée avec le plan mental supérieur. Ceci conditionne la vie mentale inférieure, ou vie intellectuelle, à la pollution de la pensée et empêche que le moi puisse reconnaître sa source mentale. La conscience est ici divisée et une expérience mentale d'ordre inférieur lui est imposée. Une telle pollution déprave les années formatives et post-formatives du développement égoïque. Elle plonge l'individu sans défense dans une série d'expériences et de luttes offrant, à la fois, une mesure du défaut de réalité intégrée et étant une source de souffrance inutile. Ce fléau de l'existence fait de la vie de l'homme un combat constant plutôt que ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une vie de construction continue et sans douleur. La double nature de sa conscience crée le point mort qui doit être constaté afin que ce dernier puisse accroître son pouvoir sur le karma de la vie, qu'il qualifie d'expérience. La conscience, dans son plan évolutionnaire, ne peut échapper au fait que des réalités alternatives s'entrecroisent avec l'expérience physique. Jusqu'à ce que ce fait ait été constaté, l'ego continuera à rechercher le sens de l'existence à travers la philosophie, la religion ou la science matérielle, plutôt qu'à travers un processus coïncidant avec le pouvoir individualisé et intégré de sa pleine conscience. Sa double nature doit être saisie afin que l'homme puisse être libre de la pensée astrale, fantasme qui trouble le discernement et nie le lien entre les mondes physiques, astral et mental. Sans la volonté nécessaire à cette réalisation, le « libre arbitre » demeure pour l'ego une condition involutive limitée. L'univers, en tant que vaste réservoir d'intelligence en mouvement à des niveaux spécifiques d'interaction avec l'homme, et invisible à lui, est plus concret que le monde physique qui l'engendre. L'ego conscient a l'habileté innée de vivre sa vie en conjonction avec un niveau de développement mental supérieur, dès lors qu'il se libère des habitudes de la pensée subjective et opiniâtre. En dépit de son état de conscience, le mental fait l'expérience, à des degrés variés, soit du plan astral ou du plan mental, dimension d'intelligence à part entière. Le mental est un coterminal avec des circuits d'intelligence faisant autant partie de l'homme qu'il en fait partie. Le fondement de l'intelligence s'étend au-delà du monde physique. L'univers réside au-delà de l'imagination humaine, et la compréhension de la vie demeurera un mystère jusqu'à ce qu'elle soit étudiée à l'aide des canaux supérieurs du mental, tâche impossible pour l'intellect, étant donné la qualité astrale de sa pensée. La pleine mesure de l'étude de la vie ne peut être communiquée qu'à travers le plan mental, ou explorée qu'à l'aide d'un cortice d'énergie éthérique subtile. Les catégories fondamentales de l'intellect camouflent leurs voiles astro-correspondants et appartenant à l'âme. Au-delà de ces voiles est située l'énergie éthérique du mental supérieur, ou double, ou de l'ajusteur de pensée, tel qu'il est aussi qualifié. Ceci est le principe cosmique de la lumière et de l'intelligence, seul siège du savoir objectif et de la liberté, et but ultime de toute évolution sensitive. La religion, la science ou la philosophie ne peuvent guère traiter objectivement les questions portant sur la réalité, en raison des limites astrales de la pensée inconsciente. Ce n'est que lorsque le mental aura dépassé ses fonctions inférieures que l'homme accédera entièrement à l'étendue de la vie et sera apte à expliquer les mystères, de manière à introduire la science des sphères à sa conscience. Le double fantasme n'est guère simplement une condition inférieure de la vie mais plus précisément une condition inférieure de la pensée. La réalité du mental est un phénomène galactique impliquant des milliards et des milliards d'individus dans la coordination de la pensée avec l'action, à tous les niveaux du processus cosmique. Lorsque l'homme fait l'expérience de l'illusion astrale du libre arbitre, il est temporairement soulagé et protégé d'une réalisation troublante par le mécanisme d'une liberté illusoire. Ce mécanisme lui permet de vivre son expérience terrienne sans qu'il soit conscient de la présence de forces agissant en lui au niveau de l'âme et de l'esprit, et qui lutte pour une position de force au sein de son expérience. L'âme est contrôlée par des forces involutives alors que l'esprit, le double moi supérieur est une force évolutive qui tente, avec le temps, de ramener l'homme à sa source, par la communication de la pensée avec lui. Le moi supérieur est un être dont le rôle ou l'activité dans le monde mental est de perfectionner l'expérience de l'âme, puisque l'âme s'incarne dans l'obscurité totale de sa mémoire astrale. À travers ce long processus, l'homme vit, meurt et renaît jusqu'à ce que l'âme cesse de devoir revenir à l'expérience physique. À ce stade de son évolution, elle est suffisamment évoluée pour fusionner avec la force d'esprit de son moi supérieur, ou double, brisant enfin le cycle réincarnationnel qui constitue son lien et son contrat avec la mort et le monde astral. Ici débute la réelle liberté, par rapport à l'expérience planétaire et astralement dominée. Des légions d'êtres, sur des plans inférieurs d'évolution et sous une forme désincarnée, ou astrale, intercèdent dans l'évolution de l'homme selon ses besoins spirituels. En dépit de sa relation astrale inférieure ou supérieure avec eux, le moi doit éventuellement en être libéré afin que la fusion avec la force de son propre esprit puisse être établie, en vue d'intégrer les dimensions mentales, astrales et physiques de la réalité du moi. Les êtres astraux, ou les âmes désincarnées sont limités aux mêmes conditions de connaissance que l'homme, exceptant leur accès à ces archives planétaires, qu'ils peuvent utiliser sagement ou non, selon leur stade d'évolution. Puisque l'homme est insuffisamment conscient des lois astrales qui sous-tendent et conditionnent les activités du monde de la mort, il est une proie facile à leur influence qui peut soit spiritualiser ou animaliser son mental, selon le lien karmique entre l'âme incarnée et l'influence astrale. Aussi longtemps que l'ego dépend de l'appui d'êtres astraux, sa vie perpétue le lien karmique avec des formes de vie astrales. Elles, en retour, lui canalisent leur propre conscience à expérience limitée, et en bien des cas de purs mensonges qui ne peuvent être discernés par l'ego naïf. Le mensonge est une loi du monde de la mort dont l'ampleur choquerait le mental non préparé et crédule. Pour les êtres astraux, il est une manière de maintenir leur pouvoir sur l'homme. Cette gigantesque joute cosmique fait partie de l'évolution de la conscience. Le jeu d'esprit est si fin, sa science si avancée et ses lois si occultes que des générations d'hommes peu judicieux y succombent, sans en avoir le moindre aperçu ou la moindre volonté de s'y opposer. C'est de cette étoffe qu'est composée la vie sur Terre, comparable au subtil jeu d'esprit auquel se livre l'homme dans l'arène de la diplomatie mondiale. Ces stratagèmes émanent, en fait, du plan astral de l'inconscience humaine. L'homme n'est nullement maître chez lui. Inconscient des jeux d'esprit auxquels se livrent les êtres astraux à ses dépens, il vit en marge de sa réalité et compose avec des pensées internes qui sont, fréquemment, d'origine astrale plutôt que mentale. Sa lumière, ou son savoir interne est si distant de sa conscience qu'il passe la majeure partie de sa vie à la recherche d'un sens qui ne peut être trouvé. Le double fantasme de son existence inconsciente le pousse vers des expériences qu'il doit subir par défaut d'intelligence créative qui ne peut être acquise que par le contact conscient avec son moi réel. Il mène ses recherches auprès de la religion, de la philosophie et de la science, pour découvrir, très tôt, que la réalité est inatteignable par ses chemins involutifs. Il meurt aussi ignorant qu'il est né. L'âme a accumulé plus d'expériences, l'ego est encore dupé, l'âme le bénéficiaire, alors que la vie demeure un chemin ne menant qu'à la mort. L'orgueil intellectuel et la naïveté spirituelle sont les pires ennemis de l'homme. Par orgueil, les mécanismes de la pensée et de ses origines lui échappent, croyant qu'il est en contrôle de son destin. Par dogmatisme religieux ou par naïveté spirituelle, il mystifie le paradis et l'enfer et adhère à un concept traditionnel du divin qui l'isole de la réalité de l'univers psychique et multidimensionnel de ses instances gouvernantes. Ses émotions sont utilisées pour tisser en lui une toile d'arrogance ou de crainte, qui tamponne son expérience de l'intelligence mais qui ne la rend jamais entière. Sa conscience est dépourvue de continuité et le force à rechercher le bonheur sous toutes les formes possibles, afin qu'il puisse oublier son ignorance de la loi et de l'ordre cosmique. S'il s'aventurait au-delà des portes du monde physique et de l'ignorance astromystique que recèlent les concepts du paradis et de l'enfer, il comprendrait que la réalité qui sous-tend son expérience dépasse la fiction, une science si exacte à faire de la philosophie involutive, de la science et de la religion un moindre parcours qui dévie d'un avenir beaucoup plus intelligent, libérateur et organisationnel. L'homme inconscient est incapable de pénétrer les profondes couches de son mental par un état cognitif d'enquête. Par conséquent, il ne peut concevoir le mystère de l'âme. Il ne réalise pas que sa constitution originelle en est une de pure énergie, qui dégénère à travers le processus de l'incarnation jusqu'au revers de ce cycle involutif, À une époque où le corps mental est suffisamment développé afin qu'il puisse passer à un autre niveau d'évolution. Ce n'est que lorsque la libération envers les idéologies dominantes aura été atteinte que la pleine conscience sera possible et que le contact de la pensée avec les plans mentaux sera une expérience consciente. Résultant de ce changement dans la dynamique évolutive du mental, l'âme, où les forces astrales se retireront et les forces de l'esprit de la conscience s'imprégneront dans le mental, libérant l'homme de la servitude de l'ignorance et lui permettant de prendre contrôle des forces astrales sur Terre. Sa nature mentale croîtra, jusqu'à ce que l'habileté à travailler à volonté avec les forces élémentales ait été restaurée. Les forces élémentales sont d'origine astrale mais elles ne participent pas aux activités du monde de la mort. Elles n'appartiennent pas à la mort. Leur fidélité aux forces de la lumière les a rendues inapprochables. Elles ne furent jamais à la merci des forces qui contrôlent le plan astral. L'homme doit, un jour, reprendre contrôle de ces dernières et travailler avec elles afin d'ajouter une nouvelle dimension à l'expérience de la vie, au-delà des possibilités de ces sciences matérielles. Les élémentaux sont les seules forces dépourvues d'intention dans le monde astral. Ceux-ci en fait de parfaits serviteurs. Contrairement aux entités en voie de parfaire leur évolution astrale par le biais de leur contact manipulateur et subliminal avec l'homme, les élémentaux sont à son service, mais l'homme ne peut bénéficier de leur présence et de leur activité au-delà du plan de son imagination spirituelle. Pour cette raison, il est, depuis la nuit des temps, assoiffé de magie ou de la suspension des lois physiques. Cette soif provient d'un contact perdu, au fil du temps, avec les forces élémentales. Or, les entités astrales du monde de la mort ont l'habileté d'utiliser le désir de l'homme pour la magie contre lui, par les arts noirs ou blancs. Inconscient tel qu'il est, il n'a que peu de référents lui permettant de voir à travers le jeu subtil, joué contre lui pour des raisons jugées bonnes par lui et en dépit des prédispositions de sa personnalité vers le bien ou le mal. La fin du XXe siècle témoigne du retour des masses à l'être et de la magie, à l'aide de techniques cinématographiques avancées en général et des sciences occultes en particulier. L'intérêt pour les activités paranormales et les sciences psychiques a repris force dans les nations plus avancées de la Terre, à un point tel qu'il contredit leurs doctrines et leurs avancées scientifiques. Le fait psychique et le fait scientifique, traditionnellement opposés, sont en voie de se rejoindre à leur manière, chacun sous ses propres conditions. De nombreuses questions demandent à être clarifiées dans le domaine des sciences occultes, avant qu'elles puissent être présumées sûres pour celui qui fait enquête sur les dimensions paranormales de la réalité. De nouvelles directives doivent être établies afin de protéger le naïf chercheur de vérité. Les sciences occultes demeurent, en majorité, dangereuses pour le mental humain, même à présent, faute de n'avoir pas encore été déastralisées ou décodées de leurs acceptions anciennes. Chapitre 9. Le mental systémique. L'univers est un monde systémique organisé par une instance gouvernante d'intelligence jouissant d'un statut éternel au-delà de la mort. Le contact conscient de la pensée avec ce réseau d'intelligence active la pleine conscience du mental humain, situant ses origines psychiques et psychologiques, autant structurelles que mystiques. Le contact conscient de la pensée avec des entités évoluant au-delà de la forme astrale est en voie de rétablir le fait irréversible et cosmique selon lequel l'inconscience humaine est le reflet subjectif d'un circuit de communication psychique non intégré. Ce partenariat ayant dégénéré tout au long de la phase involutive du développement de l'ego, en d'autres termes, de son avancement de l'étape astrale à l'étape mentale inférieure de l'humanité, connaît un revers dans l'évolution supramentale de l'humanité, dans les confins du corps physique. En dépit du mouvement polarisé du pendule évolutif, oscillant de la gauche à la droite, de la superstition au rationalisme myope, la fusion de l'égoïque avec son principe cosmique se fait de soi, le temps voulu à ce qu'il trouve sa position d'équilibre. Le contact avec des intelligences interdimensionnelles est un nouveau fait de la vie et représente un homme nouveau en voie d'entamer son long retour, de l'inconscience à la liberté créative.